Prononciation, exercice 17. Opposition E, E, E, E. Écoutez. D'abord, ma mère a toujours voulu que je sois la meilleure. Distinguez les sons E, E, E, E que vous entendez. D'abord, ce que ma mère veut, c'est que je veuille comme elle. À tort, elle avait peur pour moi. Ou alors, elle décide seule de mon sort.